Alors, c'est un livre sur Jung. Alors, je vais décrire exactement le titre. C'est Jung, la passion de l'autre. Alors, l'auteur, c'est Aimé Haniel. C'est dans une collection, en fait, de petits livres, assez denses, en fait, hein. Il s'appelle Les Essentiels 1000 ans. Voilà, donc Jung, la passion de l'autre. Alors, j'ai du mal à. Parce qu'en fait, à chaque double page, il y a un thème. Donc, Jung, plus jeune que Freud, c'était un peu l'élève, quoi. Successeur de Freud, mais successeur parallèle, au départ, ils s'entendaient, puis ils se sont éloignés. Alors, en fait, chacun a sa teinture, hein. Sa teinte, enfin bref. Donc Freud, c'est le sexuel. Jung, il est plus dans la relation au symbole. Le symbole, entité partagée collectivement. Et donc, on est dans une culture et notre inconscient est modelé par la culture, par les symboles partagés. Alors donc, je suis plus sûr quel point exactement, donc il y aura une rupture avec Freud, justement. Oh, j'aurais du mal, vraiment beaucoup de mal à résumer, même à dire des choses. Je sais juste que, alors ce que j'ai retenu, c'est que donc il s'est fait une auto-analyse intéressante, il faisait aussi ça par le dessin. Il est tombé sur des mandes, et en faisant ça, donc sa propre auto-analyse, il a dessiné quelque chose, une sorte de cercle, qui ressemble en fait énormément au dessin tibétain. Ce sont des grands cercles avec plein de figures géométriques. Des mandalas, je crois. Enfin, je retrouve, mais. Et ça m'a frappé, ouais, comme quoi c'est l'intelligence enfin, l'intelligence, la force de l'auto-analyse qui permet de retrouver quelques raisons d'une rupture avec Freud. Tiens, je tombe sur ça. Ah, une des explications de la rupture avec Freud, c'est que Jung aurait eu des patients psychotiques, aurait plutôt travaillé avec des psychotiques et Freud des névrosés. Du coup, leur approche était différente. Et bon, finalement, petit à petit, leur approche a différé. J'aurais du mal vraiment à dire, l'impression d'avoir rien retenu. Les mandalas, tiens. Je lis là un passage. À partir de 1916, Jung complète cette pratique aventureuse des rêves et des fantasmes, qu'il note dans le livre noir et calligraphie dans le livre rouge, par des dessins et peintures en forme de rond dont il ne sait pas encore qu'ils s'apparentent aux mandalas orientaux. Ce sont ces dessins et l'effet thérapeutique qu'il y découvre qui donne tout son sens à la longue auto-analyse qu'il a entreprise depuis 1913. Le mandala, s'il est un mode authentique de relation avec l'inconscient, a un effet ordonnateur. Il symbolise le centre et donne un contenant aux éléments hétérogènes et parfois chaotiques qui constituent l'âme individuelle. C'est un mode de relation à l'inconscient, ayant un effet ordonnateur, qui donne un contenant aux éléments hétérogènes et parfois chaotiques. Oui, je m'enregistre un truc. Oui, ah, pardon. Vas-y, dis. Oui, je demandais vraiment tout à l'heure pour aller à la journée, pour aller à la journée. Ouais, bah ouais, je serai partout. Hein? D'accord. Et ça, il est équilibré, parce que je sais qu'après, ils vont être ici, après, dans le sport, comme on part demain matin, tu sais. Ouais. Hein? Bah, ok, bah. Alors, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne vais pas rentrer dans les grands thèmes, hein. J'ai pas assez compris, ça effleure trop. Il y a l'anima, l'animus, la fémina, non, c'est anima. Je vérifie. Je crois que l'anima. L'anima, c'est la. L'anima, voilà, l'anima, c'est l'image de la femme dans l'âme masculine. Et l'animus, c'est l'inverse. C'est des notions, bon. Il y a le lumineux aussi, ça c'est intéressant, le lumineux. Le lumineux, c'est le rapport au divin. C'est un terme forgé par Rudolf Otto pour définir une catégorie d'interprétation et d'évaluation du sacré. Jung l'utilise pour rendre compte de l'effet de saisissement produit par l'archétype. Et là, ça nous renvoie à l'archétype. Alors, qu'y a-t-il sur l'archétype? Alors, c'est des thèmes récurrents dans les délires des patients psychotiques et dans les mythes. Il les nomme d'abord image primordiale, puis archétype. Il distingue les archétypes proprement dits, formes matricielles innées, des images ou représentations individuelles qui dépendent de l'extérieur du sujet. L'image de la mère, de la grande mère, du vieux sage, de l'animus anima, de l'enfant divin, du soi, etc. Les archétypes, structures de l'inconscient collectif, conditionnent le comportement. Ce sont des impulsions et des formes instinctives héritées que l'on peut observer chez tous les êtres humains. La luminosité de l'archétype est particulièrement manifeste dans les phénomènes de synchronicité. Alors la synchronicité, c'est le fait que un état d'esprit correspond de façon non causale à un événement extérieur. Ouais, je sais, c'est fou pour moi aussi. Forme saisissable. Bon, bref, je crois que là, ça m'est passé un peu au-dessus ce livre. J'ai quand même eu des petites notions, ça m'a donné envie de creuser, mais en soi, Jung ne cesse de relever. Alors, l'imago, Jung ne cesse de relever la confusion faite entre représentation et réalité objective. Nous croyons que le monde est comme nous le voyons. Or, souligne-t-il, un individu perçu à travers la projection est une imago ou un porteur d'imago ou de symboles. Ce n'est que dans la mesure où nous discernons nos propres projections, nos imagines, dans certaines qualités des objets que nous parvenons à les différencier des attributs réels de ceux-ci. Donc, c'est la mesure où nous discernons nos propres projections dans certaines qualités que nous parvenons, certaines qualités des objets que nous parvenons à les différencier des attributs réels. Ouais. Bon, autant dire que voilà. Donc il est mort en 1961. Aujourd'hui, je trouve qu'il est. Il a l'air beaucoup moins à la mode, hein. Freud, Lacan, mais alors le pauvre Jung. Beaucoup plus mystique. Ça me donne envie de creuser. Il a étudié les liens entre religion et psychanalyse. Il a parlé du judaïsme aussi. Donc il pensait qu'il y avait donc une âme juive. En raison de sa vision, ça peut se comprendre. Mais il aurait dérapé, il aurait été un petit peu. Parce que c'était quand même pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il aurait eu des pressions, enfin bref. Dans l'antisémitisme ambiant, il aurait dérapé un moment, qu'il aurait reconnu. Bon. Bref. Il faudrait que j'en lise plus. Mais c'est un livre intéressant pour mettre dedans, mais décidément très, très, très, très compliqué. J'ai lu d'autres livres dans cette collection, celui-là. Donc Jung, La passion de l'autre, dans Les essentiels Milan. Intéressant, mais plus une introduction, ou alors pour quelqu'un qui connaît déjà très bien. Bon. C'est un peu difficile. Voilà.